Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui à InDesign. Donc InDesign, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est tout simplement un logiciel destiné à la PAO, donc publication assistée par ordinateur. Donc en résumé, c'est un logiciel que l'on va utiliser pour le flux de production print. Donc par exemple pour réaliser des catalogues, des flyers, des menus pour des restaurants, tout ce qui est destiné à l'impression. Donc ensuite, c'est aussi un logiciel que vous pouvez utiliser pour des documents destinés au web, au format par exemple PDF. Donc par exemple des CV, des rapports de stage, tous les documents officiels. C'est un logiciel qui va, vous allez le voir, est très très utile par rapport à Photoshop, notamment sur sa gestion des textes et des paragraphes. Autant dans Photoshop, on peut gérer au niveau caractère en mettant des petits styles ou des couleurs, mais vous n'avez pas une vraie gestion des textes et des paragraphes. Là, vous allez le voir, on va pouvoir gérer pas mal de choses. Donc dans ce tutoriel, ce que je vous propose, c'est tout de suite de rentrer dans le vif du sujet et de faire un petit document d'exemple. Donc on va réaliser un petit CV, comme ça vous permettra de voir un petit peu comment travailler avec cet outil et on va voir au fur et à mesure les différents panneaux. Donc je trouve ça plus intéressant que faire un petit truc théorique où je vous explique les 200 panneaux. Alors, on va commencer d'abord par la création du document. Donc pour créer un document, soit vous arrivez sur cette fenêtre-là et vous cliquez sur Document, soit vous faites Fichier, Nouveau document. Donc là, vous arrivez sur les options de votre document. Donc bon, il y a pas mal d'options, mais vous allez voir que c'est relativement simple. Vous choisissez le mode, si vous voulez que ce soit un document qui est plus destiné à l'impression ou le web. Donc moi, je vais rester sur de l'impression, vu que mon CV est quand même aussi destiné à être imprimé et distribué. Vous choisissez le nombre de pages, donc une seule page. Vous choisissez si vous voulez les pages en vis-à-vis ou pas. Alors en vis-à-vis, c'est tout simplement que vous avez les pages une à gauche, une à droite, une à gauche, une à droite. Donc c'est par exemple pour les catalogues. Là, moi au pire, si j'ai plusieurs pages, je les veux les unes en dessous des autres. Donc je décoche cette case-là. Ensuite, vous choisissez le format de la page. Donc soit un format international, soit tout simplement un format prédéfini en pixels, ce que je déconseille. Donc là, nous, on va rester sur de la 4. Donc automatiquement, vous voyez qu'il a mis ces deux valeurs-là. Vous choisissez l'orientation, le nombre de colonnes, donc nous une seule colonne, les marges sur les côtés. Donc on va laisser basique, je trouve que ça rend plutôt bien, mais après si vous voulez les diminuer, vous changez la valeur ici. Et enfin dans les options supplémentaires, vous avez les fonds perdus et les lignes de bloc. Alors fonds perdus, c'est si jamais votre document est dans un format différent de la 4 et qu'ensuite on va le découper à l'impression, ben, la découpe n'est pas forcément super précise. Du coup, on met un fond perdu qui nous permet de définir le nombre de millimètres d'écart entre les différentes découpes. Comme ça, on s'assure de ne pas avoir de texte dans cette zone-là. Moi, je laisse ces options-là vu que je vais imprimer sur un format A4 et je n'aurai pas de découpe. Donc ici, je clique sur OK. Donc là, voilà, on arrive sur notre premier document. Donc c'est quelque chose de relativement standard. On voit ici notre format A4 et en violet notre espace de travail. Donc ici, cette zone qu'on a ici, c'est nos marges de 12,7 mm, donc 1,27 cm. Alors, on va pouvoir commencer à travailler. Donc avant de travailler, moi ce que je vous conseille, c'est de gérer vos couleurs et vos styles de paragraphe en amont. Donc normalement, vous avez ces panneaux-là. Si vous ne les avez pas, vous pouvez y accéder depuis Fenêtre. Donc moi, je crois que j'ai rajouté ces deux-là en faisant Fenêtre, Style et Style de paragraphe. Et automatiquement, ça a rajouté ces deux panneaux-là. Alors le nuancier se gère par document et vous permet tout simplement de rentrer des couleurs. Donc on va voir quasiment ça tout de suite. Et ensuite, les styles de paragraphe et de caractère vous permettent de gérer vos formats de texte. D'abord, je vais commencer par sauvegarder le document pour ne pas le perdre. Voilà, donc ici, je vais l'appeler CV. Et voilà, donc là, ça le sauvegarde au format INDD, je crois, qui veut dire format InDesign. Donc voilà, comme ça, vous saurez c'est quoi ce fichier-là. Alors, lorsque vous allez écrire un texte, hop, par défaut, vous allez avoir une police initiale. Donc ici, mignon pro, je ne sais pas pourquoi, régular, détail de police et tout ça. Donc ça, ce n'est pas forcément ce qui vous correspond. Si vous voulez changer ce format, ici dans les styles de paragraphe, vous avez un paragraphe standard. Donc là, en double-cliquant dessus, vous allez pouvoir modifier tous les paramètres par défaut des paragraphes. Donc déjà l'aperçu, vous cochez. Et on va voir un petit peu tout ça. Donc déjà, la famille de police, ça ne me va pas. Moi, je veux de l'Arial. Voilà. Et vous voyez automatiquement que mon document a été changé sans que je passe, sans que je le sélectionne ou que je change la valeur. Automatiquement, ici, on est à de l'Arial. Donc ce panneau-là, je vais laisser juste cette option-là et on changera les valeurs au fur et à mesure si je vois qu'elles ne me correspondent pas. Annuler. Donc on va commencer. Sur mon CV, je vais mettre ma photo ici et un gros texte, mon nom suivi de mon poste. Donc je vais commencer, créer un gros texte. et je vais mettre mon nom. Donc Jonathan, voyez. Alors ce nom, je veux l'habiller. Donc deux façons. Soit vous l'habillez en vous disant je vais n'utiliser ce style qu'une seule fois et donc je vais changer les paramètres à cet endroit-là. Soit vous créez un style de paragraphe. Donc là, moi pour le coup, je sais que le titre, je vais l'avoir qu'à cet endroit-là. Donc je vais le créer ici. Donc je vais mettre une police un peu plus grosse. Je vais mettre mon texte en gras. Et ça sera tout. À la limite, encore un petit peu plus gros, on va mettre du 24. Voilà. Ensuite, je choisis la couleur. Donc ici, au niveau de couleur, moi ce que je vous conseille, c'est oublier ce panneau-là, utiliser plutôt le nuancier. Pourquoi? Ben, tout simplement, hop. Ici, pour la couleur de texte, c'est ici. Donc là, je sélectionne mon texte et je mets du noir. Alors pourquoi je vous dis de plutôt utiliser ce panneau-là? C'est qu'après, si dans votre document, vous dites le noir, j'aime pas, vous pourrez changer la nuance et automatiquement, ça changera tous les textes. Voilà. Alors ici, je resserre ce petit panneau-là et juste en dessous, je vais y mettre, hop, mon poste. Donc moi, c'est développeur web. Donc, développeur web. Donc ça, je vais le mettre en régular, donc je ne veux pas que ce soit en gras. Je vais le mettre en bleu. Donc là, ce que je vais faire juste avant, je vais me créer une nouvelle nuance. Donc je clique ici, nouvelle couleur. Et ici, j'ai le panneau qui me permet de gérer les nuances. Donc ce panneau est un peu déstabilisant si on est habitué à Photoshop, tout simplement parce que vous n'avez pas le petit code hexadécimal. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, on travaille principalement en CMJN. Donc le CMJN, c'est le format des couleurs pour l'impression. Vous ne le savez peut-être pas, mais les cartouches, elles fonctionnent avec du cyan, du magenta, du jaune et du noir, et non pas du rouge vert bleu. Donc du coup, ici, moi, je vais travailler en CMJN. Ensuite, si vous voulez aller plus loin et que vous dépliez ce panneau-là, vous allez avoir pas mal de noms un petit peu compliqués. Alors ces noms-là, c'est toujours important de savoir ce que c'est. Tout simplement, il y a des panelettes qui sont définies, donc Pantone Coated, Pantone Métallique et tout ça. Et ces palettes, vous pouvez acheter des nuanciers. Ces nuanciers sont physiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur votre ordinateur. Et comme ça, vous voyez directement comment va rendre la couleur une fois imprimée. Du coup, ça vous permet de choisir des couleurs en fonction de leur apparence à l'impression et non pas en fonction de ce que ça rend sur votre écran. Donc si par exemple, vous choisissez ces Pantone-là, vous copiez le code couleur et automatiquement, vous choisissez une couleur Pantone. Donc là, ça vous permet d'être sûr à 100% du résultat à l'impression. Parce que vous le savez très bien, les écrans ne sont pas forcément super bien calibrés et vous donnent des couleurs un petit peu bizarres. Donc là, moi, je vais partir sur hop, une couleur un petit peu bleutée comme ça. Donc là, je le fais un petit peu au feeling, hein, c'est pas super gênant. Et je vais nommer cette couleur bleu. Automatiquement, ici, lorsque je sélectionne mon texte, je vais mettre ce bleu-là. Et l'avantage, c'est que si plus tard, je ne suis pas content de mon bleu, je double-clique ici, je change ma couleur et automatiquement, vous allez le voir, ça va changer sur le document. Hop. Voilà. Donc là, je change un petit peu la taille de la police. Donc, je vais mettre du 18. Voilà. Ça va très bien. Je vais limite grossir ce texte-là. Allez. 30. Voilà. Alors, si vous voulez cacher les repères, parce que ça ne vous donne pas forcément un très bon feeling de ce que ça donne, c'est CTRL-H. Hein. CTRL-H, vous ne voyez sans les repères. Voilà. Donc ensuite, à gauche, je veux mettre ma photo. Alors, pour les photos, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous prenez votre image, vous faites un glisser-déposer et vous choisissez où la mettre. Donc ça, c'est la première méthode. Soit vous mettez ici ce petit bloc-là. Donc, ce bloc vous permet d'insérer un élément multimédia. Donc là, par exemple, vous mettez à ce format-là. Et plus tard, après, si vous voulez insérer l'image, il suffit de la glisser-déposer à l'intérieur. Et automatiquement, l'image se placera dans ce cadre-là et seulement dans ce cadre-là. Et ensuite, si vous voulez gérer la taille, tout simplement, vous double-cliquez et là, vous choisissez la taille de l'image. Alors que si vous cliquez simple, vous gérez la taille du bloc en fait. Donc ça, c'est un petit élément particulier, mais ça vous donne beaucoup plus de contrôle sur le look au final de votre image. Donc moi, c'est vrai que ça fait un petit peu gros. J'essaie de regarder par rapport au document. Ouais, ça fait un peu super gros. Donc ce que je vais faire directement, moi je vais glisser l'image parce que je veux garder le format. Voilà. Et ici, si vous voulez la modifier, il ne faut pas faire comme ça parce que là, vous allez modifier pas forcément le cadre. Vous utilisez cette option-là. Donc vous choisissez cette option-là, vous sélectionnez votre élément. Et là, comme ça, en fait, ce qu'il va faire, hop, c'est qu'il va modifier à la fois le cadre et votre image. Donc ici, je mets ça comme ça, voilà. Et je vais déplacer mes deux éléments. Donc là, je suis plutôt content de ce que ça rend. un petit détail, j'ai envie d'habiller mon image. Donc de la même façon que les styles de caractère et styles de paragraphe, vous avez une fenêtre style d'objet. Style d'objet. Donc je vais la mettre juste en dessous là. Hop, dans ce panneau-là. Donc style d'objet vous permet en fait de choisir un style pour votre objet. Donc c'est un petit peu comme les options de Photoshop. Donc ici, je vais me créer un nouvel objet, je vais l'appeler photo. Et là, vous retrouvez tout ce qu'on avait classiquement, donc les ombres portées, les éléments comme ça. Donc là, sur ma photo, je vais changer des valeurs. Je vais mettre un petit contour blanc. Donc là, je vais choisir, alors je vais le mettre cyan pour bien le voir, et je vais choisir 3. Donc là, je vais cocher aperçu. Donc là, je vais cocher aperçu, comme ça, je verrai. Alors là, je vais tester plutôt. Hop. On va mettre 3 points. Allez, 4. 4 points. Et hop, je laisse sur du format papier. Et ensuite, je vais mettre une ombre portée, ou une lueur externe plutôt. Donc le mode, je vais mettre normal. Je veux que ce soit noir. Voilà. Et je vais choisir une opacité un petit peu réduite. Donc on va mettre 20. Voilà, ok. Je cache mes repères. Je désélectionne et je vois comment ça rend. Donc là, c'est peut-être un peu trop light. Donc ici, je vais plutôt mettre du 40 au niveau de la lueur externe. Donc là, bon, après, c'est à vous de faire au feeling et de voir ce que ça donne à l'impression. Donc moi, c'est vrai que je travaille sur un écran un petit peu bizarre. Donc j'ai du mal à voir ce que ça va donner. Donc ensuite, à droite, ici, je vais vouloir placer mon nom, mes contacts. Alors ici, hop, j'ai déjà mes icônes là. Donc je vais les placer comme ça. Et à droite, ben, je vais mettre les informations. Donc là, hop, ici, un premier texte pour mon email, donc contact@test.fr. Ensuite, mon numéro de téléphone. Donc là, je vais mettre 00000000. Ensuite, je vais y mettre mon Skype. Skype. Voilà le lien de mon site web. On va mettre sans le HTTP, ça fera encore plus classe. Comme ça. Voilà. Mon Twitter. Ouais. Donc je sais pas si c'est super approprié. Donc là, moi je vais supprimer le Twitter. Donc tout simplement, hop, vous voyez un joint sur le masque. Voilà, j'ai mes infos là. Donc là, vous voyez que c'est pas forcément super sexy. Donc je vais modifier le paragraphe standard et changer la couleur. Donc je vais créer une autre couleur dans le nuancier qui est en gris. Donc ça me permettra d'avoir les titres en noir, mais vraiment le contenu en gris. Donc ici, je vais renommer cette couleur en gris. Et ici, je vais mettre du noir, hop, tout à zéro en fait pour avoir du blanc. Et ici, voilà, je peux jouer pour choisir ma nuance de gris. Donc dans mon style de paragraphe, ici. Voilà, couleur de caractère ici. Hop, je mets mon petit gris là. Et vous voyez que ça rend un peu plus sympa. Donc là, mon texte ici, moi je le veux en noir. Donc ici, dans les couleurs de texte, je choisis du noir. Donc bon, j'ai peut-être été un petit peu ambitieux sur les textes. Voilà. Au passage, je vois peut-être que les textes sont un poil trop serrés. Donc pareil, hein, toujours encore une fois dans le style de paragraphe. Hop, format de caractère de base. Vous avez l'interlignage et je crois que c'est l'approche. Hop. Si vous mettez 25, voilà, ça sépare un petit peu les caractères. Donc après, à vous de voir si vous estimez que ça va bien ou pas. Voilà. Donc ici, j'ai mes différentes informations. Donc le nuancier, je vais changer, je vais mettre un gris un poil plus foncé. Voilà. Et je continue. Donc là, ça va très bien comme ça. Alors, maintenant, j'ai envie, par exemple, que ce lien-là soit cliquable si je suis sur du PDF. Donc ici, si je veux ajouter un lien, c'est très simple. Vous faites texte, hyperlien et référence croisée, nouvel hyperlien. Et là, vous choisissez vers quoi ça mène. Et vous cliquez sur OK. Donc là, automatiquement, si j'exporte au format PDF, donc je vais faire exporter. Donc là, vous choisissez PDF, j'exporte. Donc là, vous avez toute une série d'options. Donc globalement, vous laissez tout par défaut, sauf ça, où vous incluez les hyperliens et les signés. Donc les signés, on n'en a pas, donc bon, je le coche quand même, mais voilà, ces deux-là. Et ensuite, vous faites exporter. Et automatiquement, maintenant, si vous ouvrez votre PDF, bon, ça met un petit poil de temps, Vous voyez que vous avez votre document et cet élément-là est cliquable. Voilà. Donc comme ça, on peut accéder au site directement. Donc. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Donc là, on a vu comment utiliser les styles d'objet, les styles de paragraphe, et on va pouvoir passer à notre contenu. Donc on va commencer d'abord par un premier paragraphe pour en dire un peu plus sur moi. Donc ici, je vais prendre un texte comme ça. Je vais écrire à propos de moi. Et ensuite, une petite phrase, pourquoi développeur web? Voilà. Donc là, j'ai appuyé sur Entrée, donc ça a créé un paragraphe et j'ai deux styles. Donc un premier style ici. Et ben là, encore une fois, je vais me créer des styles de paragraphe. Donc ici, style de paragraphe, j'en crée un nouveau. Donc là, je dis de s'inspirer de paragraphes standards. Ça veut dire que ça utilisera les mêmes règles, mais en plus, les règles ici que je stipulerai. Donc c'est une sorte d'héritage. Et ici, ça va être titre. Donc je vais choisir le format de couleur de caractère pour avoir du noir. Et je vais vouloir que ça soit en gras. Donc ici, format de caractère de base, Arial, en bold. Et en un peu plus gros, donc on va mettre du 15 pixels. OK. Donc là, vous voyez que j'ai ces deux formats qui ont changé. Par contre, j'ai envie que celui-là soit dans un format différent. Donc ici, ce que je vais faire, je sélectionne et je crée un nouveau style. Donc je vais l'appeler subtitle ou sous-titre. Et je vais le changer aussi. Donc je vais prendre que c'est inspiré de paragraphe standard encore une fois. Et vous voyez qu'automatiquement, il a changé que cette ligne-là et pas les deux. Mais parce que j'ai sélectionné que cette ligne-là. Et en fait, vu que j'ai appuyé sur Entrée, pour lui, ça c'est un premier paragraphe et ça c'en est un second. Donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir gérer les espacements et gérer les paragraphes individuellement. Donc ici, encore une fois, dans les formats de base, je vais mettre que ce coup-ci, cet élément est en italique. Donc ici, italique. Je vais mettre que c'est du bleu. Donc ici, couleur de caractère bleu. Et la taille du texte, je trouve ça bien. Donc ce bleu, je le trouve un poil trop pétard, donc je vais encore faire des changements dessus. Avec un peu plus de jaune. Voilà, en le gérant un petit peu plus comme ça. Donc voilà, là j'ai mon premier paragraphe et ensuite je vais y mettre à droite mon texte. Donc ici, hop. Et là, je vais pas me prendre la tête, je vais copier un joli lorem ipsum. Voilà. Donc là, encore une fois, dans les styles de paragraphe, ça c'est du paragraphe standard. Donc je saute une ligne en appuyant sur Entrée et voilà. Donc là, le problème, c'est que vous voyez qu'il a sauté une ligne, mais il n'a pas mis d'espacement. Moi, j'aimerais bien qu'entre chaque paragraphe, on ait quand même un espace. Donc au niveau du paragraphe standard, ici, vous allez dans les... alors, c'est retrait et espacement, et vous pouvez choisir d'avoir des espaces avant ou après. Donc ici, le mieux, hop, c'est de faire un retrait après. Donc espace après. Voilà, comme ça. Donc 5 mm, ça paraît plutôt sympa. Le problème, c'est qu'évidemment, vous voyez que ça l'a mis ici aussi. Donc au niveau du titre... Au niveau... Ah, là vous voyez quelque chose, c'est que quand j'ai cliqué sur titre, j'étais sur cet élément-là. Donc automatiquement, il y a associé le style. Donc, pensez, si vous voulez changer un format, de désélectionner avant le bloc. Voilà, donc ici au niveau du titre, dans retrait et espacement, ici, voilà, je veux 0 mm. Voilà. Et ça, je vais le déplacer un petit peu plus bas. Donc moi, je ne vais pas expliquer forcément toute ma vie de manière aussi longue, mais voilà, on va dire qu'on a juste après un petit paragraphe. Et tout le reste, on dégage. Voilà, donc ici j'ai mon premier style, ma première ligne. Donc moi j'ai envie de séparer un petit peu mes blocs, donc ce que je vais faire, je vais directement utiliser cet outil-là. Donc on pourrait utiliser des options un peu plus complexes, mais là ça suffira vu que je sais que bon, je ne vais pas le changer forcément assez souvent. Donc ici je choisis le format donc, de ma bordure. Je vais zoomer. Donc ici, ma bordure, je vais dire que c'est une bordure de... un point très simplement, donc les extrémités je vais laisser comme c'est, ça va très bien. Le type, je vais mettre des petits pointillés, alors plutôt comme ça. Et ici, j'ai la possibilité de choisir les espacements. Donc là, par exemple, on va plutôt mettre, on va essayer avec 12. Ouais, c'est un peu large, hein. Donc on va plutôt mettre, alors là, je vais mettre forcément du 5, voilà, pour bien voir la taille. Alors ici, je vais essayer plutôt avec 2. Allez, 5. 5 et avec des espacements. On va plutôt mettre. Ouais. Voilà, 5, ça ira très bien. Et au niveau de la couleur, ici, hop, on va choisir notre gris. Et on repasse sur du 1 point. Voilà, comme ça, vous voyez, on a notre petite bordure. Alors, encore une fois, elle est peut-être trop serrée, donc on va mettre du 2. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je vais créer ma partie expérience. Donc je vais dupliquer ces éléments-là. Hop, hop, hop, hop. Donc là, vous voyez au passage qu'il y a un petit indicateur qui m'indique qu'il y a le même espace entre donc, le bloc du haut et le bloc du bas. Donc ça, c'est vraiment super, super pratique parce que ça vous permet de vous assurer que vous avez bien des espaces qui sont bien foutus. Donc ici, je vais rétrécir ça. Voilà. Je vais rediminuer le bord. Voilà. Et comme ça, vous voyez au fur et à mesure avec ces petites indications sur le côté, je peux savoir que tous les espaces sont les mêmes. Donc ça me permet d'avoir des documents qui visuellement ont l'air bons. Donc là, du coup, ma partie à propos, je vais plutôt la centrer. Donc hop. Donc voilà, là, il va me dire à quel moment j'ai les bonnes dimensions. Voilà. Et je vais dupliquer ce texte-là. Hop. En m'assurant de garder le même espacement. J'attends que les petites indications s'affichent. Et ici, je vais mettre expérience. Expérience. Donc là, au niveau de mon style de paragraphe, je mets titre. Et je place ça un peu plus haut. Voilà, donc au niveau de mon expérience, ça va être à peu près les mêmes blocs. Je vais avoir ici, j'ai déjà préparé mon texte, hop, comme ceci. Voilà. Alors là, je vais avoir un titre, donc je vais rajouter un nouveau style. Donc, on va l'appeler titre expérience. Et cette fois-ci, il sera inspiré plutôt du style titre. Voilà. Sauf qu'au niveau de sa couleur, hop, couleur de caractère, ce sera du bleu. Voilà. Donc, tout ce contenu, je le laisse comme ça. Sauf que je veux que mon premier texte, je saute une ligne, soit au format titre. Et titre plutôt de ce format-là. Donc ensuite, j'ai en dessous mon agence ou l'endroit où j'ai travaillé. Donc là, pareil, je vais encore créer un style de texte. Donc ici, hop. Donc ici, je sélectionne et hop, on est reparti. Je vais plutôt dupliquer subtitle. Voilà. Et je vais l'appeler expérience. Voilà. Donc ici, format des caractères de base, ça va rester à peu près la même chose. Sauf que je vais avoir une couleur de caractère qui est grise, qui est noire. Et donc mon titre d'expérience, je veux pas qu'il ait de marge. Donc là, je pense à désélectionner mon bloc. Voilà. Donc titre d'expérience, je vais dans les retraits espacement, je mets 0. Et en dessous de mon expérience ici, je vais plutôt mettre un espacement de 3 mm. Voilà, donc ça me va plutôt bien. Et ici, je veux une liste à puces. Donc là, pareil, je vais devoir créer un nouveau style pour gérer les listes à puces. Donc je sélectionne ces textes-là. Je vais créer un nouveau style. Donc à partir de paragraphe standard, je vais l'appeler liste. Et ici, je vais pouvoir personnaliser les listes grâce à puces et numérotation. Donc ici, je vais mettre que je veux une puce qui ressemble à ça. Mais vous voyez qu'au niveau des espaces, c'est un petit peu particulier parce qu'on va devoir gérer les tabulations. Donc là, vous cliquez sur tabulation. Vous choisissez où sera placé le texte et où sera placée la puce. Comme ceci. Et automatiquement, vous voyez que là, vous avez une tabulation qui ressemble à une vraie tabulation. Hop. Voilà. Moi, idéalement, je voulais que tout rentre sur une ligne, mais ça a l'air un petit peu compromis. Hop. Et je vois que les espaces sont un petit peu gros. Donc, au niveau de mon attribut liste, je pense à désélectionner avant. Au niveau de liste, dans les retraits et espacements, je remets un espacement de 1. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, hop, je vais refermer ce bloc-là. Je duplique. Voilà, il y a bien toujours le même espacement. Donc là, à la limite, je vais carrément grossir. Voilà, hop. Et du coup, grossir les espacements à cet endroit-là aussi. Voilà, donc ensuite, développement junior, hein, juste avant. Junior. Donc là, on va appeler notre agence n'importe comment. et on mettra que notre liste à puces. Donc ensuite, un autre petit truc, j'ai envie de mettre par exemple les dates à laquelle ce sont les dates de mes stages. Donc ici, je vais créer un nouveau petit bloc, placé un petit peu de manière originale, et je vais mettre ma date, hop, de stage. Donc ici, de juillet à aujourd'hui. Donc ça, ce format-là va être un petit peu particulier. Vous allez le voir, donc déjà, je vais refermer le bloc, comme ceci. Hop, et on est parti. Donc je vais appliquer un style d'objet. Je vais créer un style d'objet. Alors vous voyez qu'on peut aussi appliquer des styles d'objet au bloc de paragraphe. Enfin, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ici, je reviens aussi sur les styles. Je mets paragraphe standard et je vais créer un nouveau style d'objet, date. Donc là, je vais avoir besoin d'une couleur supplémentaire. Donc je vais dupliquer mon gris et je vais l'appeler gris clair. Voilà. Je choisis une couleur très très fine, très très fine. Voilà. Et je vais modifier mon style d'objet. Donc au niveau d'abord du fond, je veux que ce soit cette couleur-là, le gris clair. Ensuite, je ne veux pas de contour, donc je décoche cette case ou les zéros. Je veux ensuite que... Voilà, donc là au niveau de mon style d'objet, je suis plutôt content. Donc je vais enlever quand même l'ombre. Donc ici, date. Hop. Donc au niveau transparence, lueur externe, je m'en fiche. Et... Au niveau des options générales du bloc de texte, je veux que l'alignement soit centré. Donc comme ça, on a notre texte centré. Donc ensuite, dans option contour et d'arrondi, je veux que ça soit un petit peu arrondi. Donc là, on va mettre... Voilà, comme ça, arrondi partout. Voilà, et on va mettre un tout petit contour, cette fois-ci de 1 point. Et en couleur de contour, on ne va pas mettre du noir, parce que on va mettre du gris. Et dans les options de contour et d'arrondi, on va être un peu plus... Light, voilà, du 2 mm. Donc là, vous voyez que mon texte est un poil trop gros. Donc au niveau du style de paragraphe, je vais recréer un style de paragraphe. Donc on va l'appeler date. Et ce format, on ne va même pas l'appliquer. Vous allez le voir, en fait, l'avantage, c'est tout simplement au niveau des styles d'objets, vous pouvez choisir de choisir un style de paragraphe particulier, donc date. Comme ça vous permet de pas de bien lier juste au style d'objet pour pas avoir à lier à chaque fois au style d'objet, au style de paragraphe. Donc là, je vais dans mon style de paragraphe, date, et je vais modifier la taille de la police pour la rendre un poil plus petite et je vais choisir un texte centré. L'alignement centré. Voilà. Et ici, je vais serrer un petit peu plus et agrandir un petit peu, comme ça. Voilà, comme ça, je place à chaque fois mon expérience professionnelle. Donc, hop. Donc après, à vous de voir. Là, bon, ça fait un petit peu gros, les contours sont pas forcément super jolis. Donc, bon, à vous de voir, hein. Alors, ensuite, je vais y placer mes compétences. Donc, de la même façon. Donc là, tout simplement, j'arrive en bout de page. Alors, ce que je vais faire, je vais supprimer du contenu. Voilà, hop. Parce que c'est vrai que je me suis inspiré d'un CV web où il y avait beaucoup de contenu. Là, ça n'entre pas forcément pour de l'impression. Voilà. Hop. Hop. Voilà, les espacements sont les mêmes. Ici, on grossit ça. On attend de voir l'alignement centré. Voilà. Donc là, je replace tout ça. Ici. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais placer un dernier petit bloc. Bon, pour ma formation. Bon, peu importe. Après, à vous d'imaginer. Hein, mon CV est déjà fait. Hop. Voilà. Donc ici, je vais mettre ma formation. Donc formation. Formation. Je vais mettre directement mon nom d'école. Donc ici, j'ai fait une licence 3 chez Cubluc. Et ensuite, l'agence. À la place de l'agence, on va mettre directement l'école qu'on a faite. Voilà. Et ensuite, ici, au niveau des dates, je vais mettre que l'année. Donc là, ça va être 2010, 2010 à 2011. Donc forcément, le bloc est un poil trop gros. Donc là, j'ai besoin de zoomer pour bien voir. Voilà. Et je vois au passage qu'il y a une petite erreur d'alignement. Voilà. Impeccable. Sauf que, bon, pour ma licence, hein, j'ai pas expliqué ma vie et pourquoi j'ai fait cette licence-là, donc je vais supprimer le petit texte après. Hop. Et je replace ça comme ceci. Donc de la même façon, après, bah, j'ai plus qu'à dupliquer le bloc là. Hop. Une autre licence et enfin une autre licence ici. Voilà, et à la limite, allez, on va continuer. Un dernier petit panneau sur mes hobbies. Hop. Donc là, vous voyez, toujours avec l'alignement, c'est toujours super pratique. Parce qu'on peut s'arranger pour que tout ait la même apparence. Donc là, je vais mettre loisirs, loisirs et hobbies. Voilà ce que j'aime faire. Trois points de suspension. Ouais, je ne suis pas super inspiré sur les textes, désolé. Donc là, vous voyez que j'ai des textes en accès, tout simplement parce que mes styles ne sont pas bons. Donc là, ça, c'est un titre. Et ça, c'est un subtitle. Donc ça, c'est bon. Et là, bah, pareil, j'écris et je raconte ma vie. Donc ensuite, voilà, hein, là, je pense que je suis plutôt content de mon résultat. Donc ce que je fais fichier exporter et j'envoie ça au format CV, au format PDF plutôt. Alors attention, si vous avez déjà ouvert le fichier PDF en dehors d'InDesign, lorsque vous allez faire une sauvegarde, il va vous planter, hein, il vous dira que ce n'est pas possible. Donc là, je viens d'exporter, je rouvre mon PDF et vous voyez que j'ai bien mon document. Donc voilà, là j'ai enfin mon petit PDF. Alors, on voit au passage notamment que les polices sont super fat, hein, j'ai très très mal pensé mon truc. Mais voilà, ça vous donne déjà un bon exemple de ce que l'on peut faire avec InDesign et de comment utiliser ce logiciel. Donc un petit récapitulatif de ce qu'on a vu dans ce tutoriel. On a vu comment créer un document, donc choisir le format et choisir le type de document à utiliser. On a vu comment utiliser le nuancier, qui est un petit peu le cœur de la gestion des couleurs d'InDesign. Donc le nuancier, c'est quelque chose à toujours utiliser au préalable, avant notre projet, directement en insérant les nuances Pantone par exemple, ou en important ben, un nuancier d'un autre logiciel. Mais c'est vraiment très important d'avoir l'ensemble de nos couleurs ici. Comme ça, après, dans notre document, si on veut faire un changement et par exemple mettre ici nos titres en rouge, on va pouvoir le faire, ou en rose, le faire très rapidement. Vous voyez qu'en 2 secondes, toutes mes couleurs sont changées. Donc le nuancier, c'est vraiment le cœur du système. Je vous déconseille d'associer des couleurs au fur et à mesure parce que ça va donner un document qui manque d'uniformité. Ensuite, on a vu comment utiliser les styles de paragraphe et les styles d'objet pour donner des styles particuliers à notre document et à nos textes principalement. Et ce système-là va nous permettre ensuite directement de changer globalement l'apparence de nos textes sans avoir à repasser sur nos contenus. Donc après, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les styles de paragraphe, mais l'avantage, vous le voyez encore une fois, c'est que si jamais j'ai envie de changer le style, que j'ai envie que tous mes titres bah, aient la police ceinturée gothique, bah, j'ai tout simplement à changer ici et de mettre ceinturée gothique et automatiquement, bah, tous mes titres, vous voyez, changent de valeur. Bon là, c'est pas super flag, mais je vous assure, ça fonctionne. Et ensuite, on a vu bah, comment gérer les alignements directement en utilisant les assistances visuelles qu'on a sur InDesign. C'est-à-dire que dès qu'on bouge un objet, on a des petits repères qui se placent à droite qui nous permettent de nous indiquer si les espacements sont respectés. Donc comme ça, on est sûr en permanence d'avoir des alignements qui sont bien respectés. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel bah, vous aura permis de mettre un petit peu les pieds dans le plat et de voir comment fonctionne ce logiciel. Donc voilà, si vous avez des petites questions ou des idées de nouveaux tutoriels, n'hésitez pas à poster sur le forum. Donc voilà, et rendez-vous au prochain tutoriel.